Avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Ça ira mieux demain. L'émission. Que la fête commence, les amis. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça ira mieux demain, l'émission, avec cette semaine au programme un peu de gore. Voilà, histoire de se remettre la tête en place alors qu'on ouvre les festivités de Noël. Nous parlerons pour débuter avec une série qui, du tout, quand on prononce son nom, on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière. La série, ça s'appelle Sweet Home. La deuxième saison est sortie aujourd'hui sur Netflix. Et voilà, Sweet Home, ça vous évoque quoi, messieurs, dames? Sweet Home? Oui. Une maison sweet. C'est quand on arrive chez toi qu'on est accueilli. Voilà, c'est la douceur, c'est le cocooning. Oui. Eh ben pas du tout, on en reparle dans quelques instants. Et puis, parce que c'est Noël et parce que je pense à vous, nous évoquerons le retour aussi depuis hier. C'est tout frais, c'est tout chaud de la deuxième partie de la cinquième saison de Virgin River. Les épisodes de Noël sont arrivés, magnifiques, magnifiques cadeaux de la chaîne pour ces fêtes de Noël avant l'heure, les deux derniers épisodes de la saison, tout empreint de, eh ben, de paillettes, de lumière et de féerie. Mais avant cela, le choix de Manon musical, même si elle ne le mérite pas toujours. Voilà. Et cette semaine, elle nous propose une chanteuse que je ne connaissais pas il y a à peine une heure. Et maintenant, je la connais. Et tu vas nous en dire plus. Eh bah, ben, c'est une de mes copines qui me l'a fait découvrir là, il y a quelques jours. D'ailleurs, Lison, si tu nous écoutes, coucou. Donc c'est Mélina Tay, une star montante du R&B et de la soul. Elle est originaire de Londres et elle a sorti plusieurs singles, donc, dont celui-là qui s'appelle attendez, j'ai perdu. Obsession. Obsession, voilà. Alors c'est pas son dernier, son dernier il s'appelle 2AM, mais voilà, c'est celui que je préfère en tout cas. D'accord. Donc voilà, nous allons écouter Obsession de Mélina Tay. Double pouce. Double pouce. Play your role. Alors ça donne envie de découvrir les autres titres. Hein. Ah ouais. Donc celui-là, c'est le meilleur des autres. Bah. Tu te fous de ma tête ou c'est vrai? Ah, bah là, ah, je me permettrai pas de me foutre de ta tête. Je pense que tu peux lui offrir l'album pour Noël. Je sais même pas si elle a sorti des albums. Je crois que c'est que des singles qu'elle a sorti. Ah. Alors pour l'instant, faut qu'elle reste single. Hein. Faut voilà. Qu'elle. De toute façon, vous aimez pas mes goûts, c'est pas grave. Non. Mais c'est. Je dis pas que c'est pas bien, mais voilà, c'est. Il faut se renouveler. Moi, j'aime bien l'ambiance. C'est. Il faut. C'est voilà. Sympa. Faut être jeune. Faut se relooker. Faut. Voilà. Oui, voilà. Il faut évoluer. Faut évoluer. Il faut hein. double fingers. Il faut liker. Double fingers. Voilà. C'est mieux comme ça. Oui, voilà. Oui. Non mais c'est très bien, et ça donne envie d'écouter les autres titres parce que si celui-là est le meilleur, je veux écouter les autres. En tout cas, ça a le mérite de nous faire découvrir autre chose. Et exactement. Si tu entends parler de Mathilda Tay, Mélina. Mélina, ouais. Rien à voir avec... C'est un enchaînement, Benoît. C'est une catastrophe. Que se passe-t-il ce soir? Non, j'allais dire Mathilda May, parce que je connais un peu plus Mathilda May que Mélinda Tay. C'est même pas Mélinda, c'est Mélina. Mélina Tay, en plus. Oui, oui. Mélina Tay. Mélina Tay. Mélina, elle a un beau prénom, en plus. Mélina, j'espère ouais. qu'elle aime Bourdieu. Voilà, je me mets à votre hauteur, hein, ça va. Ah bah d'accord, bah c'est sympa, merci. Bref, j'ai failli parler de Cup of Tea, moi, mais bon, je vais garder ça sur le côté. Voilà, non, parce que là, on a appris quand même que maintenant Laurent doit aller faire des cours du soir en anglais, parce que là, maintenant, c'est parfait. Maintenant, il va attaquer l'allemand. Ah, parce qu'il faut quand même qu'il se mette à l'allemand avec Thomas Anders et son nouvel album, qui, je le rappelle, sort en janvier-février, yeah. Au moment où je serai à la piscine. Danke schön. Bitte schön. Alors, Sweet Home, voici cette série qui est sortie aujourd'hui sur Netflix. Et si vous êtes fan... Alors, je me suis intéressé à cette série parce que je ne la connaissais pas. Voilà, j'apprends avec vous. Et je vais vous faire découvrir ma découverte de la semaine. Parce que quand je vois saison 2 de Sweet Home, je dis, tiens, Sweet Home, moi, j'aime bien l'ambiance Virgin River. Ça me fait penser, Sweet Home, c'est tout doux. Ça va être sympa, une petite série romantique, là, pour Noël. Ça va être bien. Et Sweet Home est en fait... c'est une série coréenne. Hein. Alors donc ça peut être quelque chose de percutant. Tout à fait. Et je vous raconte l'histoire, le synopsis. Chen Yang-tong est solitaire, mais il n'est pas seulement solitaire, il est suicidaire depuis la mort de sa famille. Donc c'est dire qu'on va se marier. Dans un accident brutal, et il a décidé suite. À ça, de changer de vie et de déménager dans un nouvel appartement d'une résidence plutôt tranquille. Peut-être là, du coup, le sweet home. Très vite, il va remarquer d'étranges situations qui se produisent dans son immeuble. Les voisins se transmuent en monstres. Oh. Comme d'autres résidents et des citadins, il va tenter de survivre dans cette ville où les gens se transforment et mutent. En fait, ils ont repris le concept de soit The Vampire Diaries, soit Teen Wolf, en fait. Hein. Bah, moi, ça me ferait plutôt penser juste... à un dessin animé japonais ouais avec des personnages qui se transforment en monstres. Voilà, donc... Enfin, le point positif de cette série, c'est que le mec, il est quand même suicidaire, il a décidé de rester en vie. Mais manque de bol pour lui, il va rencontrer des monstres. Voilà, donc c'est un peu une série, évidemment, vous l'aurez compris, qui est plutôt proche de Walking Dead que de Virgin River. Alors, si c'est Walking Dead, moi je dis que c'est positif. Si c'est machin là où on va subir la deuxième saison, comment ça s'appelle là, le issu du jeu? The Last of Us. Voilà, si c'est des monstres de The Last of Us, c'est encore pire. Ouais. Et c'est un gros succès en Corée. C'est un gros succès aussi sur la plateforme Netflix. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, est-ce que c'est lent? Comme toutes les séries. Je ne sais pas. C'est une série comme ça, ça doit quand même pas... Bah, ça peut être un peu dans l'ambiance. Ça peut être aussi, oui, lent dans l'ambiance de Last of Us. Évidemment que c'est pas très rapide. Bah, je te propose de découvrir cette série. Alors, en plus, on a une saison de retard, donc on peut. Donc la saison est composée de 8 épisodes. Et les 8 de la saison 2 viennent de sortir aujourd'hui. On peut se faire 16 épisodes d'horreur. Ah, trop bien. Hein, je suis bien. Contente là. Voilà, hein, c'est une découverte que l'on peut faire tous ensemble. Donc, Sweet Home, qui est sorti aujourd'hui, et comme un bonheur ne va jamais seul, messieurs dames, Netflix a tout de suite annoncé la mise en route du tournage de la saison 3. Oh, Donc voilà, il y a quand même gros un gros succès, quoi. Il y a quand même un gros public, mais je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu, mais voilà. Moi j'ai vu la notification là de Sweet Home. Mais, voilà, donc, je sais pas ce que mais alors c'est un grand immeuble parce que si on part sur 3 saisons, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de locataires à transformer en monstres. Bah, je pense peut-être qu'après les monstres une fois qu'ils, enfin voilà, oui ou. Ou alors il y a des déménagements, il y a des monstres qui déménagent, il y a des nouveaux arrivants qui eux se transforment après en monstres. Voilà. Alors ceux qui arrivent sont un peu bébêtes parce que si tu sais qu'il y a les habitants qui se transforment en monstres, tu prends pas un appart dans l'immeuble. Donc on va creuser tout ça et puis voilà, si Manon et moi on regarde cette série, on fera le point sur Sweet Home. Mais voilà, je vous explique pourquoi je me suis intéressé à cette série que je ne connaissais pas et qui n'est pas du tout dans la douceur comme on aurait pu l'imaginer lorsqu'une série sort le 1er décembre. Alors moi, je préfère continuer à regarder La Petite Maison dans la Prairie. Laurent. Oui. Ça va revenir. Hein. De quoi, La Petite Maison dans la Prairie? Pourquoi on referait pas Une Petite Maison dans la Prairie? Oh, passer après ce feuilleton occulte là, surtout que maintenant ça a été remasterisé en numérique machin. Ils ont fait des téléfilms, Benoît. Hein. Ça n'a jamais pris. Hein. Bah, La Petite Ferme à la Campagne. Je sais pas où on va aujourd'hui, mais on y va. Là, on trace hein, et on y va vite. Et je vous propose Patrick en même temps, parce voilà. Que Patrick lui, il chante, c'est pas nouveau. L'histoire de sauver les meubles. Ouais, parce que Patrick Fiori a sorti aujourd'hui même, ce 1er décembre, une nouvelle chanson, ça s'appelle « Le chant est libre ». Et je sais pas si vous avez vu « Petite maison dans la prairie », je rebondis avec… Le chant. Le chant, hein, le chant, mais qui s'écrit pas pareil, hein. La ferme dans la campagne. Alors là, on apprend un truc aujourd'hui, mais alors là, chant chanté ne s'écrit pas comme le chant des le chant des blés. Je voulais être même dans mon étage, j'essaie de faire des transitions, c'est tout ça que vous aviez pas compris. Voilà. C'est-à-dire que c'est vendredi, Benoît. Hein, oui, on a tous notre semaine dans les papates. Hein, D'accord. Donc le chant est libre. Est 19h19. On met son doigt sur le nez parce que quand c'est des heures pile, vous savez, il faut mettre le doigt sur son nez. Oui, bon. J'explique tout parce que Manon me fait, il est 19h19. Et donc voici Patrick Fiori. Après, il va nous dire, oui, regardez-moi ça, on est en train d'empiéter sur le Hot 40. Bah oui. Ah bah, on a encore le temps, hein, d'ici 20h. Allez, le champ est libre. Et la place aussi, hein, parce que on se casse dans 10 minutes. J'ai un problème avec les touches. Parce qu'en fait, le champ est libre, il est parti. Donc il faut me laisser le temps de retrouver la chanson. Et après, ça me critique alors qu'il a des moufles à la place des mains. Excuse-moi, je clique. Oui, je clique. Bah, pas de double finger, là. Bah, disons que je clique et en fait, ça s'efface assez rapidement. Hein. Mais il ne le veut pas. Ouais. Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien beau. Tout est cool et tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire. Tout le monde était content, faut croire. Quand chanteur de rue passait, chapeau à la main, il donnait tous ses pourboires. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter. Le chant est libre. La voix est là, juste devant toi. Le chant est libre. Si tu veux vivre plus fort que ça, chante avec moi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pas une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. Que c'est le prix de l'infortune, que parfois les rêves importunent quand elle fredonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter. Le chant est libre, la voix. Sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau. C'était donc Patrick Fiori. Moi, j'aime beaucoup cette chanson qui est sortie aujourd'hui. Voilà, avec plaisir, on vous la faisait découvrir. Moi, j'ai adoré. Hein, c'est vrai? Ah oui, oui, oui. Ah oui, tout pareil. Oui, oui, moi, j'ai adoré. Merci. D'ailleurs, il faut que je la programme dans Destination Série. Je trouve que, alors je sais pas, il faudra que je creuse un petit peu qui est l'auteur, mais ça, ça change un petit peu. Et comme au tout début de la chanson, on aurait pu se laisser avoir à ne pas penser que c'était lui. De toute façon, moi déjà à la base, j'adore sa voix. Donc je trouve qu'il a une voix, voilà, il a une vraie signature vocale. Alors. Dans les grosses infos de cette semaine, il y a ce fameux retour de Virgin River depuis hier. Alors Virgin River, c'est une série hors du temps parce qu'elle est inégalable, il n'y en a pas d'autre. Il y a des séries comme ça, c'est un peu la petite maison dans la prairie du 21e siècle. Pour moi, Virgin River, ces petites villes au milieu de nulle part au Canada, qui n'existent pas d'ailleurs, on avait fait une grosse enquête à l'époque avec Pierre, là-dessus, cette ville n'existe pas. On l'a créée, les gens sont un peu à part et vivent un peu comme une communauté. Et il leur arrive plein de choses. Et cette série, qui dans sa cinquième saison, a été découpée pour la première fois en deux parties. Et Netflix a voulu faire donc une intrigue un peu en deux parties. La première partie de la saison était plutôt triste avec des drames, parce que souvent il se passe toujours des drames dans les petites bourgades avec les protagonistes. Mais là, il nous propose les deux derniers épisodes de cette cinquième saison. Eh bien, comme un espèce de bulle pour Noël, avec des épisodes très ancrés. Donc dans la joie, dans la bonne ambiance, des rires et de la joie, c'est ce qu'a annoncé Netflix pour présenter ces deux derniers épisodes. Netflix va donc faire une trêve concernant les drames et les tragédies au menu de la bonne ambiance, des rires, de la joie. À en croire le synopsis, en tout cas, on dirait bien que ça se calme dans cette petite ville fictive et que la bonne humeur semble avoir fait son retour. Mel et Jack, les protagonistes, se lancent dans un joyeux jeu de pistes alors que Virgin River se prépare au concours annuel de décoration des sapins de Noël. Alors les bandes-annonces qui ont été diffusées, les quelques premières minutes que l'on a pu voir, montrent effectivement des décos de Noël, une ambiance festive, après bien sûr les drames qui ont été vécus. C'est depuis hier sur Netflix, ne boudons pas notre plaisir, comme j'avais souvent envie de le dire les saisons précédentes, pour découvrir cette magie de Noël avant l'heure sur Netflix avec la cinquième saison et les deux derniers épisodes de Virgin River, la saison 5, donc depuis hier sur Netflix. Et puis aussi, cette semaine, on n'en a pas parlé, Et je trouve que c'est dommage. Je l'ai entendu nulle part, même dans la presse, à la radio. Samedi dernier, c'était quand même un événement. C'était le premier épisode de la trilogie du Docteur Who, oui. Qui revient pour ses 60 ans. Pour fêter les 60 ans de la série, mettant en scène cet extraterrestre aux traits humains voyageant dans l'espace et dans le temps en changeant de visage régulièrement, eh bien, il y a eu trois épisodes spéciaux qui ont été tournés. Le premier a été à découvrir et a été mis en ligne samedi dernier, le 25 novembre à 19h30 précise. On a pu le voir sur Disney+, et les deux autres ont lieu respectivement demain et samedi prochain. Il s'intitule « Au conflit de l'univers et le fabricant de jouets ». Et notez que ce Docteur Who, la créature stellaire, comme c'est appelé cette trilogie, est notamment marquée par le retour, j'allais dire du vrai, non, on va pas dire ça. De celui qui a le plus marqué la série. Le plus marqué la série, c'est David Tennant, que l'on a vu après, qui nous a aussi marqué dans d'autres séries, Broadchurch, pour ne citer que celle-là. Le Tour du Monde en 80 jours. Aussi, effectivement, le Tour du Monde en 80 jours. Donc voilà, mais il revient donc avec ce visage-là. Et je trouve que pour fêter les 60 ans du Docteur Who, c'était vraiment hyper, hyper important de le signaler. Voilà les deux grosses sorties de cette semaine, avec l'arrivée aussi aujourd'hui de la saison 2 de Sweet Home. On parlera la semaine prochaine, parce que là on n'a pas trop le temps, d'une série qui arrive justement le 6 décembre, qui sera à mon avis le gros événement de cette semaine, de la semaine qui arrive. C'est Pax Massilia. C'est une nouvelle série sur Canal+, qui parle d'un Marseille autrement. Voilà, c'est la nouvelle série d'Olivier Marchal qui va à mon avis défrayer la chronique. On y reviendra la semaine prochaine. On va se quitter avec le dernier single de Christophe Maé, qui vient de sortir aussi cette semaine. Ça s'appelle Ce qu'on aime. Alors c'est pareil, hein, effectivement, on est toujours blessé par ce qu'on aime, parce que c'est vrai que si les autres qui nous blessent, eh bien on est moins marqué quand ils ne nous aiment pas. Mais ça paraît simple, mais c'est pourtant tellement vrai. Voici Christophe Maé. Manon, à la semaine prochaine, tout bisous, comme bisous. Laurent. Et moi, je vous retrouve dans une demi-heure, après la pause déj, pour le Hot 40. Des belles et de toutes les couleurs, c'est toujours ce qu'on aime qui nous brise le cœur. On ramasse à la peine les mots et les erreurs, c'est toujours ce qu'on aime qui nous brise le cœur. Oh, c'est comme ça, c'est cruel. Après tout, c'est normal. Oh, c'est toujours ce qu'on aime qui nous font le plus mal. Oui, c'est comme ça, c'est cruel. Après tout, c'est banal. Oh, c'est toujours ce qu'on aime qui nous font le plus mal. Ça vient d'une belle, d'un frère ou d'une sœur. C'est toujours ce qu'on aime qui nous brise le cœur. J'ai sûrement fait de même, pardonnez-moi d'ailleurs. C'est toujours ce qu'on aime qui vous brise le cœur. C'est cruel, après tout c'est normal.